Chaque fois qu'il plonge, il fouille du bec la vase nourrissante. Il ramène un verre, il engraisse comme une oie.